Le groupe de visite dont la patrie est des étudiants de l'Université coréenne de la Chongnyon, Association générale des Coréens récents au Japon, conduit respectivement par le doyen Shin Yong-gun et Oh Song-woo, en fleurit le 15 les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu et rendu hommage.